Il y avait chez mon maître un compagnon appelé M. Vera, dont la maison, dans le voisinage, avait un jardin assez éloigné qui produisait de très belles asperges. Il prit envie à M. Vera, qui n'avait pas beaucoup d'argent, de voler à sa mère des asperges dans leur primeur et de les vendre pour faire quelques bons déjeuners. Comme il ne voulait pas s'exposer lui-même et qu'il n'était pas fort ingambe, il me choisit pour cette expédition. Après quelques cajoleries préliminaires, qui me gagnèrent d'autant mieux que je n'en voyais pas le but, il me la proposa comme une idée qui lui venait sur le champ. Je disputai beaucoup. Il insista. Je n'ai jamais résisté aux caresses. Je me rendis. J'allais, tous les matins, moissonner les plus belles asperges. Je les portais au Mollard, où quelques bonnes femmes, qui voyaient que je venais de les voler, me le disaient pour les avoir à meilleur compte. Dans ma frayeur, je prenais ce qu'elles voulaient bien me donner. Je le portais à M. Vera. Cela se changeait promptement en un déjeuner dont j'étais le pourvoyeur et qu'il partageait avec un autre camarade. Car pour moi, très content d'en avoir quelques bribes, je ne touchais pas même à leur vin. Ce petit manège dura plusieurs jours sans qu'il me vînt même à l'esprit de voler le voleur et de dîmer sur M. Vera le produit de ses asperges. J'exécutai ma friponnerie avec la plus grande fidélité. Mon seul motif était de complaire à celui qui me la faisait faire. Cependant, si j'eusse été surpris, que de coups, que d'injures, quel traitement cruel n'eussais-je point essuyé, tandis que le misérable, en me démentant, eût été cru sur sa parole, et moi, doublement puni, pour avoir osé le charger, attendu qu'il était compagnon et que je n'étais qu'apprentif. Voilà comment, en tout état, le fort coupable se sauve aux dépens du faible innocent. J'appris ainsi qu'il n'était pas si terrible de voler que je l'avais cru, et je tirai bientôt si bon parti de ma science que rien de ce que je convoitais n'était à ma portée en sûreté. Je n'étais pas absolument mal nourri chez mon maître, et la sobriété ne m'était pénible qu'en la lui voyant si mal gardée. L'usage de faire sortir de table les jeunes gens quand on y sert ce qui les tente le plus me paraît très bien entendu pour les rendre aussi friands que fripons. Je devins, en peu de temps, l'un et l'autre, et je m'en trouvais fort bien pour l'ordinaire, quelquefois fort mal, quand j'étais surpris.